Le chevalier de Charny, de Roger de Beauvoir. Chapitre 1er. Rodomontade. Vers la fin du mois de mai 1660, à l'hôtellerie des Deux Anges, située dans la plus grande rue de Saint-Jean-de-Luz, il y avait grand tumulte. La cloche du dîner venait de sonner. Chaque convive allait occuper à table sa place habituelle dans la salle basse, quand tout d'un coup un courrier basque entra au milieu de la cour en faisant claquer son fouet de façon à étourdir l'assemblée. Il précédait un coche de belle apparence, d'où l'on vit descendre bientôt de gentilshommes français tout poudreux, arrivant de Saint-Sébastien, où le roi d'Espagne se tenait alors. Les nouveaux venus, une fois entrés, se disposaient à s'asseoir à la table commune, lorsqu'un des assistants, se levant et allant vers eux, les pria de n'en rien faire, alléguant que les deux sièges qui se trouvaient là attendaient deux dames de la ville, lesquelles devaient faire en ce lieu la collation. Il faut croire que l'observation de ce galant fut accompagnée de certains airs glorieux et rodomonts, car l'un de ces gentilshommes s'en fâcha et échangea quelques paroles amères avec le cavalier. Cela fait, il noua sa serviette sous le menton, prit l'un des sièges et fit signe à son compagnon de s'asseoir auprès de lui. Un pareil début était bien fait pour indisposer contre sa personne tout ce qui se trouvait en ce lieu de gens appartenant à la cour d'Espagne. Mais l'air imposant et dédaigneux du gentilhomme français qui venait de prendre aussi brusquement sa place, au milieu de convives étrangers pour la plupart à sa nation, exerçait une sorte de fascination subite. C'était un jeune homme de 25 à 26 ans, couvert de broderies de la tête aux pieds, et dont le seul habit sentait le grand cyrus à pleine bouche. Évidemment, celui-là n'était pas de ces seigneurs venus à la suite de la cour, et se plaignant d'être mal logé, qu'il eût été bien davantage une fois de retour à Paris. Il avait une magnifique veste semée de dentelles d'argent, des plumes dont le brun valait un louis d'or, des nœuds de ruban couleur de feu, et une telle odeur de poudre de chypre à ses manchettes qu'il y avait presque de l'injustice à croire qu'il n'empoisonnait pas le marais chaque fois qu'il entrait dans un salon de ce quartier. Son air était noble, hardi, sentant dès l'abord les aventures de conséquence et les bonnes fortunes du grand monde. C'était enfin un cavalier propre à faire belle figure dans un camp comme dans un bal, un homme de fête et de carrousel s'il en fut, digne en tout d'avoir accompagné l'année précédente à Madrid le maréchal de Gramont avec une foule de seigneurs portés sur sa liste quand il alla en poste demander l'infant de la part du roi. Malgré cette paix célèbre, à laquelle deux ministres travaillaient alors si fortement, ce beau gentilhomme semblait avoir plus d'envie de rompre la trêve que de la garder. Aussi sa conversation fut-elle brève avec l'Espagnol, auquel il s'était contenté de dire avec assez de hauteur qu'il se nommait le chevalier de Charny, et qu'il logerait toute la semaine à l'hôtel des armes du roi situé à l'autre bout de la ville. Il avait à peine jeté à son rival cette sorte de défi, qu'un personnage vêtu d'une façon assez maigre et qui était loin de porter comme lui des chausses à la candale, se leva et courut lui offrir d'être son second, ce qui déchaîna une véritable tempête à la table d'hôte, car ce survenant était français et semblait prendre fait et cause pour le chevalier contre l'Espagne. Le chevalier de Charny toisa rapidement ce nouveau frère qui lui venait alors si vite en aide, et le soupçonnant à sa mine d'être un véritable coupeur de bourre suivant la piste de la cour. « Un grand merci, monsieur, » répondit-il, « mon compagnon en me suffit. » Le personnage en question, dont une large balafre ornait le front et serpentait ensuite agréablement sur le nez jusqu'à l'oreille, à l'instar de celle du capitaine Fracasse, porta les yeux à son tour sur celui que le chevalier lui faisait l'outrage de choisir à sa place, et pirouettant sur le haut talon de ses bottes garnies d'un reste de dentelle jadis blanche, il s'écria « Ça, votre témoin, monsieur le chevalier, mais ce jeune cadet a les mains d'une femme, l'œil d'un céladon et la peau d'une demoiselle. Il ne tiendra pas sur le prix ou dans les rues de Saint-Jean-de-Luz plus qu'un capucin de carte. » En soufflant alors sur l'une des plumes éraillées de son feutre, il la fit voler dans l'espace d'un air de satisfaction, en regardant ensuite l'ami du chevalier avec une sorte de compassion moqueuse. « Je suis le capitaine Malagotti, » ajouta-t-il. « J'ai fait les campagnes de Flandre, de Catalogne et d'Italie. J'ai servi de second à messieurs de Vilquier, Ganterie et à 20 autres. Je m'attendais à mieux de la part du chevalier de Charny. » Le chevalier, surpris de s'entendre ainsi nommé, allait répondre, quand la porte de la salle à manger cria sur ses gonds et donna passage à deux dames dont le seul aspect l'émut tellement qu'il se leva et offrit de lui-même sa chaise à l'une d'elles avec un empressement obséquieux.